Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec Monsieur Petit. Ce jour-là, ce premier jour de ce repas, la première de la journée, d'un seul coup, j'ai pensé à une chose, mais dans les équations de Lagrange, il y a un paramètre abstrait libre, mais c'est lui le temps propre. Et j'ai pigé d'un seul coup le pourquoi fondamental de la théorie de Newton était équivalent à la théorie d'Einstein. C'était vraiment le pourquoi fondamental. On m'a demandé des explications à propos de, disons, A à la moins B est égal à 1 sur A à la B. Avant de donner une explication, je veux que vous réalisiez que ceci est une définition. Je ne sais pas, ce n'est pas une seule et unique personne qui a inventé des mathématiques. Il s'agit plutôt de conventions qui ont été établies. Et on a défini ceci. Pour les raisons que je vais vous présenter. Bien, je vais vous présenter une raison. Et nous allons voir que ceci est une bonne définition. Parce que toutes les règles des exposants s'appliquent pour les exposants négatifs. Et également qu'on élève l'expression à la puissance 0. L'alcool est devenu la première cause de mortalité sur les routes devant la vitesse. Demain, le Premier ministre annoncera des mesures renforcées pour lutter contre l'alcoolémie au volant. La plus symbolique, c'est la confiscation du véhicule pour les conducteurs ayant trop bu et récidivistes. Le single malt scotch est fait avec de l'orge, de la levure et de l'eau. Tout simple. Et pourtant, sa production génère énormément de déchets, solides et liquides. Généralement, tous ces déchets sont rejetés dans la mer qui entoure les îles Hébrides au large de l'Écosse. Sauf à la distillerie de Breakladdick, qui les recycle pour être en autonomie énergétique. Est-ce que tu aimes le pastis? Oui! Le cidre? Oui! Le laranges? Oui! Le whisky? Oui! Le gin? Oui! Alors va en Bretagne te bourrer la tête. Ils sont tous alcooliques les Bretons? Évidemment! Pourquoi? Pour oublier qu'ils habitent en Bretagne! Attention, ça tourne! Donc voilà, les examens sont finis, je m'apprête à boire. La moitié seulement. Il y a 37,5 centilitres de whisky avec ceci en moins de 5 secondes. Le temps de... T'es con, à la vitesse d'une gorgée d'eau. 10 secondes. Voilà. Rodolphe va vous faire constater que la bouteille est bien fermée. Hein. Ce n'est pas du...